Question 152. De la virginité. En quoi consiste la virginité? Salicité. Si elle est préférable au mariage. Comparaison de la virginité avec les autres vertus. 1. La virginité consiste-t-elle dans l'intégrité de la chair? Saint Augustin dit, la virginité est une continence par laquelle l'intégrité de la chair est vouée, consacrée et conservée au Créateur de l'âme et de la chair. Il y a trois choses dans les plaisirs de la chair, la perte de l'intégrité corporelle, la sensation charnelle et le dessein de se procurer une délectation. L'intégrité du corps ne se rapporte qu'indirectement aux actes moraux, on peut la perdre sans que l'âme y ait aucune part. La sensation charnelle n'est point coupable, si l'on n'y donne pas son consentement. Par conséquent, la virginité consiste formellement et complètement dans la résolution de s'abstenir toujours des satisfactions de la chair. Note. La virginité, selon la définition de Saint Augustin, est le dessein de garder une pureté perpétuelle dans une chair corruptible. Elle consiste essentiellement dans l'âme, et matériellement dans la chair. L'intégrité du corps peut se perdre sans préjudice pour elle, rien de ce qui est involontaire ne saurait la détruire. Mais, par contre, le plaisir vénérien, porté au suprême degré par le désir et le consentement de la volonté, l'anéantit, alors même qu'il n'est accompagné d'aucun commerce. Fin de la note. 2. La virginité est-elle illicite? L'Écriture exhorte à la virginité, par cette parole de Saint Paul, pour les vierges, je n'ai pas reçu de précepte du Seigneur, mais je leur donne un conseil. 1 Corinthiens 7, 25. Il y a pour l'homme trois sortes de biens, les biens extérieurs, les biens du corps et les biens de l'âme. Les biens extérieurs sont inférieurs à ceux du corps, et ceux-ci le sont aux biens de l'âme parmi lesquels la vie contemplative l'emporte sur la vie active, selon cette parole, Marie a choisi la meilleure part. Luc 10, 42. Or la droite raison, qui veut que l'on use des biens extérieurs dans la proportion utile au corps, et des biens du corps dans celle de l'âme, veut aussi que l'on fasse servir les biens de la vie active à la vie contemplative. Cela étant, nous suivons les lois mêmes de la raison, lorsque, pour nous appliquer davantage à la divine contemplation, nous nous abstenons des jouissances de la chair, tout aussi bien que quand nous nous privons de certains aliments, bons en eux-mêmes, pour conserver notre santé ou pour nous livrer plus facilement à l'étude. Tandis que la Vierge, nous dit Saint Paul, pense aux choses de Dieu en sanctifiant son âme et son corps, la femme mariée songe à celle de ce monde pour plaire à son mari. 1 Corinthiens 7, 34. Il suit de ces principes que la virginité religieuse est louable plutôt que blâmable. Note. On nous dira peut-être que, dans ces paroles, croissez, multipliez, remplissez toute la terre, Genèse 1, 28, il y a un précepte de conserver l'espèce humaine. Certains préceptes doivent être accomplis par chacun des hommes, d'autres par la multitude. Or celui de la génération regarde toute la multitude, qui doit, non pas seulement se multiplier corporellement, mais profiter spirituellement. Il est utile que, le plus grand nombre se livrant à la génération, il y ait dans la société des hommes qui ne se marient point pour se vouer à la contemplation des vérités divines et contribuer ainsi à la beauté et au salut du genre humain. C'est ainsi que, dans une armée, les uns gardent le camp, tandis que les autres portent des drapeaux ou combattent, fonction qui, quoique d'obligation pour l'armée entière, ne peuvent pas être accomplies par un seul homme. Fin de la note. 3. La virginité est-elle une vertu? Partout où se trouve un bien d'une excellence particulière, là aussi se trouve une vertu spéciale, la résolution de renoncer à tout plaisir charnel pour vaquer facilement aux choses divines, étant plus méritoire que celle de se garantir de tout excès dans l'usage des délectations de la chair. La virginité est une vertu spéciale qui se distingue de la chasteté, comme la magnificence de la libéralité. Note. Il est nécessaire pour cela que la virginité ait le caractère de la vertu, c'est-à-dire qu'elle soit gardée en vue de Dieu. Selon la remarque de saint Augustin, nous louons les vierges, non pas uniquement parce qu'elles sont vierges, mais parce qu'elles ont consacré leur virginité à Dieu. Fin de la note. 4. La virginité est-elle supérieure au mariage? Jovinien, combattu par saint Jérôme, prétendait que la virginité n'est pas préférable au mariage. C'est une erreur réfutée d'avance, non seulement par l'exemple du Christ, choisissant une mère vierge et conservant lui-même la virginité, mais par la doctrine de saint Paul, qui conseille cette vertu comme un état supérieur au mariage. La raison elle-même nous enseigne que, si l'on doit préférer le bien divin au bien humain, le bien de l'âme à celui du corps, la vie contemplative à la vie active, la virginité conservée comme une disposition à la vie contemplative est, sans contredit, plus excellente que le mariage, qui a pour but la multiplication corporelle du genre humain et les soins de la vie active. Note. De ce que la virginité est supérieure au mariage, il ne suit pas qu'une personne mariée ne puisse point avoir plus de mérite qu'une vierge. Saint Augustin veut qu'une vierge se dise à elle-même, bien que la chasteté du célibat soit au-dessus du mariage, je ne suis pas pour cela meilleur qu'Abraham, la virginité que je garde, ce patriarche l'eût gardée mieux que moi, si elle eût été nécessaire de son temps. Le saint docteur ajoute, la vierge occupée des choses de Dieu s'est-elle si, tandis que la femme mariée à laquelle elle oserait se préférer est prête à boire le calice de la passion du Seigneur. Quelque faiblesse secrète de son esprit ne l'empêche point elle-même d'être mûre pour le martyre. Fin de la note. 5. La virginité est-elle la plus grande des vertus? Que la virginité, qui surpasse la chasteté des veuves et la chasteté conjugale, soit ce qu'il y a de plus parfait dans le genre même de la chasteté, cela est incontestable, et, en ce sens-là, saint Cyprien et saint Ambroise ont pu lui attribuer la beauté la plus parfaite. Elle n'est pas néanmoins, absolument parlant, la plus excellente des vertus. Les vertus théologales, et même la vertu de religion, qui ont les choses divines pour objet immédiat, l'emporte sur elle. Les martyrs aussi, donnant à Dieu leur propre vie, et les religieux, lui sacrifiant leur volonté propre avec tout ce qu'ils possèdent, ont plus de mérite que les vierges, qui renoncent seulement au plaisir de la chair. Note. Quand saint Cyprien appelle les vierges la portion la plus illustre et la plus glorieuse du troupeau de Jésus-Christ, il en parle par comparaison aux veuves et aux femmes mariées. S'il est écrit, les vierges suivent l'agneau partout où il va, Apocalypse 14, 4, c'est pour marquer qu'elles imitent le Christ, non seulement quant à l'âme, mais encore quant à l'intégrité de la chair. Ce n'est pas qu'elles s'en approchent de plus près que tous les autres saints. D'autres vertus unissent davantage à notre esprit la divinité, mais elles imitent l'agneau en plus de points. Le cantique nouveau qu'elles chantent n'est autre que la joie qu'elles éprouvent d'avoir conservé l'intégrité de leur corps.